Chapitre 15e, Michaud avance en loose dé. Après un petit déjeuner silencieux pendant lequel chacun réfléchit, je dresse le plan de la journée. Pour descendre sur Aix, on va passer par le nord et la route des Alpes, on ne sait jamais. Je vais laisser la Chambord dans la grange et je vais enlever la tête du Delco, ainsi pas possible de la faire tourner. Toi, tu vas me descendre à Aix et ce soir, en remontant de Marseille, tu viendras me rejoindre au commissariat. Tu laisseras ta voiture et on prendra une 403 banalisée pour remonter ici. « Ok, patron, » fait Sylvia en saluant militairement. Au commissariat, Michaud est déjà au travail. « Sagace, patron ?»« Benissimo !» je lance ironiquement. « Il faut passer un avis de recherche pour la déesse dont je t'ai parlé hier. Signe particulier, elle a maintenant un impact de balle à droite dans le pare-brise. Garagiste, commissariat, gendarmerie, la totale. » Michaud se pose des questions et reste la bouche ouverte. Je ne donne pas de détails et déplie les journaux posés sur son bureau. J'y jette un rapide coup d'œil. On y parle de l'enquête. Le Méridional titre en page intérieure. L'enquête sur le mort de Rogne piétine. Rappelons que dimanche 16 avril, le cadavre d'un homme assassiné par balle était retrouvé dans une voiture accidentée sur la route d'Aix à Rogne. Il s'agissait de René Guelmard, 43 ans, domicilié à Aix. Aucun indice n'a pour l'instant été trouvé qui permettrait d'orienter l'enquête sur la piste du meurtrier. La voiture aurait été percutée par un camion Dodge et le conducteur a été achevé d'une balle dans la tête. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte, le mort ayant déjà eu affaire avec la justice. Suivent les détails de l'accident de car et la condamnation pour coups et blessures de Guelmard en Algérie. Le Provençal est encore moins tendre. Encore une affaire de meurtre qui va finir en affaire classée. La suite de l'article reprend les mêmes éléments que le Méridional. Quant à la Marseillaise, son journaliste, dans un délire verbeux, fait un amalgame savant entre le milieu marseillais, les flics ripoux et les anciens de l'OAS pour expliquer l'affaire. C'est toi qui as regardé les baveux, Michaud ? Non, juré craché. Je crois que c'est tout bonnement Cassard. Il appréciera moins quand il verra qu'on le prend pour un comique. C'est nous qui allons passer pour des charlots, Gary. Bof, de toute façon. Il va falloir qu'on explique au juge qu'on est toujours bredouille pour le Dodge. Raffut de l'antique et crasse le téléphone. Oui ? Ah, monsieur le juge, justement j'allais vous téléphoner. Je préfère que vous veniez me voir. J'ai plusieurs choses à vous dire, dit Cassard avant de raccrocher. On est mal barré, Michaud. Cassard n'a pas l'air d'être dans ses bons jours. Je crois que je vais me prendre un savon. Réserve une table au Vendôme. Il nous faudra au moins ça pour nous consoler à midi. Michaud n'a pas eu le temps de mettre Volpi au courant d'un fait nouveau. Et de toute façon, c'est mieux ainsi. Lui aussi, l'inspecteur Michaud, il peut avoir son jardin secret. En effet, ce matin, il a reçu un coup de téléphone de l'évêché. Hier, en fin de soirée, un témoin s'est présenté spontanément suite aux articles parus dans la presse. Les services de Marseille ont dirigé le témoin sur le commissariat d'Aix. Michaud l'attend d'une minute à l'autre. 10 minutes plus tard, un gardien introduit un homme d'une quarantaine d'années. « Vous désirez faire une déposition sur le meurtre de Rogne, d'après ce que m'ont dit mes collègues de Marseille ?»« Eh ouais. Voilà. Dans un des articles, il est question de la condamnation de Guelmard en Algérie. Je ne sais pas si vous savez pourquoi il était condamné et comment ça s'est passé. »« Vous avez bien fait de venir, monsieur... »« Monsieur Simoin, Jean Simoin. Voilà. Moi, j'y étais en Algérie quand Guelmard a eu son affaire. Il se pourrait que c'est un rapport avec son assassinat. Racontez, monsieur Simoin. » Guelmard a été condamné parce que, avec un de ses copains, Bernieux, ils ont massacré un type à coups de démon de pneus. C'était suite à une bagarre qu'il a eue dans un bar pour une histoire de fille. Un gars leur avait mis une grosse tête à tous les deux pour avoir manqué de respect à une fille. Je sais, j'y étais. Il a bien fait, parce que Guelmard et son copain Bernieux, c'était de drôles de cons. Toujours à provoquer les mecs et à faire chier juste parce qu'ils étaient sergents. Alors ils se sont pris une tête et on était tous contents. Seulement... Quand on est rentré au camp la nuit, ils ont rattrapé le gars sur la route avec leur camion, et ils l'ont massacré à coups de barre de fer. Nous, on savait que c'était eux, mais l'armée a raconté que c'était des fellouses qui avaient fait le coup. Mais alors comment ils ont pu être condamnés? Mais c'est parce qu'il y a un gars qui a témoigné et qui avait tout vu. C'était un gradé, un aspi. C'est grâce à lui qu'ils ont été condamnés et virés de l'armée. Le gars qui était blessé s'en est sorti, mais il ne doit pas être beau à voir aujourd'hui. Et vous pensez que l'assassin de Guelmard, c'est peut-être le type qui a été massacré ? Eh ouais, pourquoi pas ? Je suis venu vous raconter ça parce que je sais que l'armée l'étouffe les affaires comme celle-là. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la grande muette, fait Simon en riant. Le témoin sort de sa poche une photo. Tenez, regardez, je ne vous mens pas. Là, c'est Guelmard, avec son copain Vergneux, ce con. Et là derrière, c'est moi. Bon, bien sûr, j'ai grossi, mais on me reconnaît. Et là, c'est Laspi, mais je me rappelle plus comment il s'appelait. Michaud vient de pâlir. Il jurait que Laspi n'est autre que Volpi. Il tient dans ses mains, sans le savoir, un double de la photo subtilisée par Gino chez Guelmard. Tout à coup, le billet trouvé dans la poche du mort prend une signification gigantesque. Son texte est sûrement en rapport avec cette affaire. Dans le cerveau du Michaud, les neurones s'entrechoquent à la vitesse de la lumière. Il essaie de reprendre ses esprits. Vous êtes sûr que le soldat qui est là est celui qui les a fait foutre en tôle? Bien sûr. Je ne me souviens plus de son nom. Ce n'était pas un nom italien? Ouais, c'est ça. Ou corse, peut-être. En tout cas, c'était un brave mec. Il nous a jamais emmerdés. Et pourtant, il aurait pu. Il défendait toujours le troufion de base. Michaud a pris le risque de ne rien écrire pour pouvoir garder provisoirement ce témoignage pour lui seul. Pour pouvoir remettre la main sur Simon, il relève soigneusement son nom et son adresse. « Je vais rédiger votre témoignage rapidement. Je garde la photo. Je vous la rendrai quand vous reviendrez. Ça vous dérange pas trop ?»« Non, oh pauvre, je vais à Aix tous les mardis. C'est pas un problème. » Vite, il faut faire sortir ce mec avant que Volpi ne revienne. Michaud commence à comprendre soudain beaucoup de choses. Il va avoir le temps de les assimiler et les décanter. Mais contrairement à son habitude, quand il a trouvé quelque chose, il n'a pas envie de chanter cette fois-ci. Discrétion, discrétion. Allô, c'est toi, Michaud? Salut, beau gosse. Il va bien, Elvis? Oh, l'alambic, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu ton message pour la déesse. Figure-toi qu'un gars vient de porter plainte pour vol de la bagnole. Ça nommait San Lucas, domicilié à Arles. Bah oui, c'est bien le propriétaire de la voiture. Bon, déjà on lui a fait remarquer que la carte grise n'était pas à jour. Ça l'a un peu ramolli et il nous a lâché le morceau. En fait, il avait prêté sa voiture à un type nommé André Vergneux. Ce type ne lui a pas rendu la voiture dans les temps, et comme par ailleurs il lui doit de l'argent pour l'emmerder, le San Lucas a porté plainte pour vol. Il espère au moins récupérer la voiture. Comment il est, ce mec? C'est le genre de type qui grenouille entre Salon, Arles et les Saintes-Maries, et dont on ne sait pas de quoi il vit. Cheveux longs et dégueulasses, chemise à carreaux, jean crasseux, tu vois le tableau. Je lui dis que la bagnole était déjà recherchée, avec une balle dans le pare-brise. Là, il est devenu blanc, le mec. Putain, il n'a pas fait un casse avec la bagnole, ce con! Qu'il a dit. Je suis sûr que sa bagnole est une voiture maquillée. Écoute, je lui ai dit que s'il voulait sortir les fesses propres de ce coup, il fallait qu'il se mette à table avec toi. Normalement, il devrait être chez toi cet après-midi. Alambic, t'es un vrai pote. Tu sais que quand il y a quelque chose d'intéressant, je distille l'info. Mon bonjour, renard. Dès qu'il a raccroché le téléphone, Michaud se précipite sur le bureau de Volpi et inspecte les tiroirs. Soulagé, il soupèse le pistolet dans son étui. Le chargeur est à côté. Complet.